Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut, Tania! Hey, salut! Une autre émission ensemble! Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! C'est hein? Ça, ça arrête plus! C'est comme si on s'est pas vu depuis ce matin! Hey! Ah, sondage requis! Débile! C'est ça! Sauf pour les gens qui sont en reprise, qui nous ont pas entendu depuis un petit bout. Oui, faut c'est les inclure quand même, hein? On n'a pas le choix! C'est ça, on est là pour tout le monde! Et voilà! Sans aucune discrimination! Parce qu'on n'en fait jamais! Jamais, jamais! Donc, la semaine passée, notre numéro 1 anglophone, c'était Matrick avec Four Kicks! Et du côté francophone, eh bien, c'était Joël Saint-Pierre avec 100 pas. Mm-hmm, on va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. Mmh. On a aussi Palm Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On a une performance spéciale en direct, mais pas du tout. Mais en studio, mais pas vraiment. De la bronze avec nous tantôt. Oui. Ça va être génial. On est allé au spectacle samedi soir et on a ramené quelques petites pièces en performance exclusive. On aime ça. Mais pour l'instant, on débute la portion new shit de l'émission, c'est-à-dire les nouvelles entrées. Il y en a 5 en tout. En anglophone, on retrouve Albert Across, 1977 et The Paper Kites. Et du côté francophone, eh bien, on retrouve les Hôtesses d'Hilaire avec la pièce Regarde-moi. Mm-hmm. Qu'on écoute à l'instant. À l'instant, ben oui. 89 FM. Allons-y. Ben oui. Pas d'arrêt. C'est fou. Yeah. Les beaux souliers que je viens de m'acheter.

Albert Cross, Ghost of Santa Fe, en position numéro 20 sur l'album Build Across. Et du côté francophone, eh bien, c'était Regarde-moi de Les Hôtesses d'Hilaire. Parle de Regarde-moi, est-ce que t'es en train de regarder les icônes, les nouveaux emojis de 9.1, iOS 9.1 sur l'iPhone? Ben oui, parce que je viens de faire ma mise à jour iOS 9.1, comme tu viens de dire. Avec le retard de tout le monde entier. Ben oui, parce que j'ai toujours du retard quand il s'agit d'iOS. Et puis, je suis vraiment contente des nouveaux petits émoticons. La licorne. Ben, j'ai... Ouais. Ouais. Mais la licorne, moi, je m'en fous un petit peu. Ah, ça, c'est rien comparé à un minuteur de cuisine. Qui a besoin de licorne pour une minuteur de cuisine? Je suis d'accord. Je suis vraiment très contente qu'on ait mis une voiture de course. Oui. Je suis contente qu'on ait mis le petit bonhomme nerd. Oui. Et le petit bonhomme avec les yeux par en haut. Oui, là, il était temps de pouvoir rouler les yeux par en arrière. Ouais. Et de faire des fuck you, parce qu'il y a une main pour un fuck you. Il y a le petit fuck you. Moi, ça me rend vraiment heureuse. Le symbole de Spock, la main, évidemment. Exactement, hein? Le signe de rock'n'roll. Des boutons de console de radio, ça, je la comprends pas, tu sais. Il y a des tornades pour les gens qui vivent en Californie, qui puissent se comprendre un petit peu. L'écureuil est trop malade, pour vrai. Il y a un pita. Oui. Un pita. Il y a un pita. Hey, il y a plein de nouveaux émoticons. Il y a une raquette de baseball, de badminton que quand tu veux aller chasser les moineaux, là, genre... Genre? Tu peux dire, je m'en vais chasser les moineaux. Hey, ils ont finalement mis un bâton de hockey avec une puck. Tu sais, il était temps. Incroyable. Bref, iOS 9.1, pour ceux que ça intéresse... Nous, on a bien du plaisir présentement. On se ping-pong pas mal les symboles depuis tantôt. On a bien du plaisir. Donc, c'est pas mal assez fou, hein, un condensé de la meilleure musique que Sifu a vous offrir. On s'en va entendre les trois dernières nouvelles entrées. Plus tard, il y aura 1977 avec We Do, ainsi que The Paper Kites avec Electric Indigo. Mais on s'en va entendre une seule pièce du côté francophone et la seule nouvelle entrée de ce bar-là pour l'instant. Ben oui, c'est en fait, la chanson, c'est ta playlist de On a créé un monstre. Un de mes groupes préférés, j'adore, je les ai vus en spectacle, sont malades awesome. Ah ouais, ça va être la première fois que je les entends. Bah, tu vas bien triper la reine. J'espère qu'elle est bonne, celle-là. J'espère. S'il commence à faire de la mauvaise musique. Oui. C'est ma parole, là. Ta parole. C'est important, hein? Watch out. Sinon, je leur envoie un petit emoji de fuck you. De petit fuck you ou de petit caca. Un petit fuck you. Est-ce qu'il y a une échelle de fuck you, genre? Tu peux envoyer un mini? Non, mais tu peux envoyer un fuck you puis un petit caca. Bon, ça. Ton absence rend silencieux. 19. Nouvelle entrée. Belle entrée. Thank you. à Paper Kite. C'est la pièce Electric Indigo, nouvelle entrée en 18e position anglophone. Avant ça, on a entendu 1977 avec We Do sur l'album Twister. Et on a débuté avec On a créé un monstre. Oui, on a créé un monstre, en fait, un band de Montréal que tu connais très bien, comme tu le disais. Puis on a aussi entendu du côté francophone, eh bien, les Hôtesses d'Hilaire, un band du Nouveau-Brunswick de Moncton. Leur nouveau CD va sortir le 30 octobre, le nouvel album qui est Touche-moi pas là. Okay. Et ils vont être de passage à Trois-Rivières. On ne sait pas encore la date, alors restez à l'affût si jamais ça vous intéresse. Oui, ben moi aussi, en fait, j'avais des affaires sur des bands qu'on a entendues au début de l'émission. On avait entendu en 20e tantôt Alberta Cross, qui est un groupe anglo-suédois. Formé en 2005. Quand même, et après ça, 1977, qu'on a entendu dans ce bloc-là, c'est un groupe canadien d'indie pop. Et puis, The Paper Kite, c'est un groupe d'Australie qui vient tout juste de jouer. Toi, c'était ta 18e position. Par contre, la 18e position francophone, on va la sauter. Pour l'instant, oui, parce que pour l'instant, vu qu'on a dit bonjour à 5 nouvelles entrées. Et voilà. Et la semaine passée, on n'avait pas fait Palmer's in Peace non plus. Donc, on a plusieurs pièces auxquelles dire au revoir. Alors, lançons-nous à l'instant avec un petit Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis l'édition du 12 octobre 2015. extrait des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 12 au 18 octobre 2015. On a commencé avec le Winston Band qui s'est ramassé sur le bord de la rue avec La vie du bum qui a duré 5 semaines. Et on a aussi eu Ponctuation avec Poésie automatique, quand même resté au palmarès pendant 7 semaines. Mm-hmm. Rose Fargo s'est fait flatter dans le mauvais sens du velours avec Velvet qui a duré 7 semaines. Et les incendiaires avec leur éléphant qui s'évaporait, l'éléphant s'évapore qui est resté pour 6 semaines. Ensuite, Baden est tombé dans les escaliers, ça fait brim-brim, avec J'ai plongé dans le bruit qui a duré 8 semaines. Le Sahara avait un petit délice pour 6 semaines. T'essayes tellement. Metric a vu son ombre et donc retourné dans son trou, je pense. C'est ça l'histoire? The Shade avec 6 semaines. On a aussi eu No Joy, Remember Nothing pendant 6 semaines aussi. Mm-hmm. The Weather Station nous a envoyé un petit coup de Colin, comment t'appelles ça? De pas être fin, pas être loyal, c'est quoi le contraire d'être loyal? Trompeur. Trompeur, oui, il nous a trompés avec sa pièce Loyalty qui a duré 7 semaines. Et Hag-Faced Worst Nightmare pendant seulement 2 semaines. Mm-hmm. On dirait que t'essaies tellement que ça me fait perdre le fil de mes jeux de mots. Je te jure que j'ai pas essayé, là. Ah, ça va. Ensuite, on a dit au revoir aux pièces qui nous ont quitté depuis l'édition du 19 au 25 octobre. On a commencé avec Vilaine Fille, Mauvais Garçon qui s'est mis en punition lui-même avec Constance. Ça a duré 7 semaines. Et on l'a fait jouer ce matin dans notre émission Pony avec L'Amour Argent qui est resté pendant 7 semaines. Mm-hmm. Yukon Blonde a terminé sa fin de semaine avec Saturday Night qui a duré 8 semaines. Et ta petite sœur, comment elle va? Non, je sais pas. La latte. Fist City avec Hey Little Sister qui est restée au palmarès pendant 6 semaines. Ah, et She Serpent est allée aux toilettes. Comment tu... She Serpent. Avec Black Swan qui a duré 7 semaines. Et voilà. Ouais. C'était les au revoir de notre palmarès. Un jour, on va s'habituer à faire cette chronique-là, puis un jour. Ça se tiendra. T'sais. Peut-être qu'un jour, je vais faire des aussi bons gags que toi. Bah, je me le demande. Lol, c'est ça. Donc voilà, Palmarès et Peace, on fait ça quand ça donne, quand j'ai le temps de faire un petit montage, et c'est de même. Hein? Voilà. Ben oui. Les montages sont sur assemblagerequis.com. On retourne à nos palmarès. Tantôt, on avait dit qu'on était rendu aux positions numéro 18. On a fait jouer la nouvelle entrée en anglophone. On a pris une petite pause parce qu'on veut jouer le Palmarès in Peace après les nouvelles entrées. Exactement. Mais on va pouvoir entendre les positions à 18 et une partie de 17. Non, les 17e. Oui, ici, les 17e francophone. Aussi, ouais. Ouf. Donc tantôt, il y aura Demi et Young Rival, mais on débute en 18e francophone. Avec Tozuku pour les incendiaires. C'est aussi mêlant pour nous autres que pour vous autres. Belle. C'est les Palmarès. 89 FM. Thank you. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Yeah. Young Rival, That's Chemistry, monte de 3 places en 17e anglophone. C'était nouveauté la semaine passée. Et on a entendu Les Incendiaires avec Tozuku et Demi avec Encore plus fort. En effet, en effet. Donc ça, c'est un bloc 3 de 4, un bloc 3 quarts comme on appelle. On va faire la même chose pour le prochain, c'est-à-dire qu'on va jouer les 15 et 16 sauf Fake Tears en 16e place anglophone parce qu'il y a depuis 6 semaines. La pièce s'appelle You Want the Light. À la toute fin du bloc, on entendra New Order avec Restless qui monte de la 19e et qui était nouvelle la semaine passée. Mais du côté francophone, d'abord en 16e position, on a quand même descendu de 8 places pour les Sœurs Boulay avec Fais-moi un show de bouquin. Et en 15e place, eh bien, on entendra Francis Faubert avec Maniwaki. On parlera, c'est fou! 89 FM. Full pin sur la vingt, les lighters dans les mains, au moins. On est deux. Le char sent le vieux. Pour rien déclare mes culottes. Je perds la tête. Oh! Oh, oh, oh, oh, oh! C'est le déluge dehors. J'attendais le bon moment qu'on me sacre la paix. Les années m'ont creusé le visage, le temps usé mon courage. Je serai plus jamais le pourvoyeur de rêves déçus par le malheur. Les sacrifices et la routine. Sont des complices assassines. J'ai fait mon temps.

La formation New Order, la pièce Restless, monte de la 19e à la 15e position anglophone, c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu « Fais-moi un show de boucan » des Sœurs Boulay, mais aussi « Maniwaki » de Francis Faubert, qui lui a fait un saut de la 17e à la 15e place cette semaine. Ah oui. On saute par-dessus plein de choses, là. Il s'est passé beaucoup d'affaires. On a joué beaucoup de musique en première heure, mais on doit sauter par-dessus comme 8 chansons d'un coup sec. Mm-hmm. En anglophone, on saute « Faith No More » avec « Sunny Side Up »,« US Girls » avec « Window Shades »,« Teen Days » avec « Pink » et « Twin Bandit » avec « Rosaline ». Et si je me souviens bien, eh bien, du côté francophone, on va sauter la 14e position qui est « Tombe » de Rose Fargo, la 13e qui est Mannequin de magasin des Navets Confits et la 12e, la musique de Philémon Simon. Et on saute même la 11e. On saute même la 11e, oui. Et Katie Moore avec « Tu ressembles à tous ceux qui ont du chagrin ». C'est « Tous ceux qui ont du chagrin », ben c'est nous entre autres parce qu'on a sauté beaucoup trop de chansons pour le temps qu'on avait, mais bon, on doit recommencer au top 10 dans quelques instants. La deuxième heure, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la portion top 10. Donc on prend une pause et on revient avec les positions 10 à 6 ainsi que... Si la fin de l'émission, une performance de la bronze. C'est vrai. Restez là. Vous êtes assez fou. 89.1. La deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est la portion top 10 de l'émission. Déjà? Yeah, oui! Ça va vite, hein? Ben, mais hein, ça avance comme le tiers est fait. Mais oui, déjà. Si on y pense. C'est fou. Le tiers, c'est... C'est fou. C'est fou, 89.1, j'ai jamais entendu. Mais le tiers, c'est presque, je te dirais, 33,33%. Ben, c'est pas mal ça. Environ, là. Quand on y pense, là, avouez que ça fait peur, hein? Allons-y avec la position numéro 10. Ça veut absolument rien dire. Non, t'as raison. On vient de gaspiller du temps, là. Tout à fait. C'est un temps important pour des chansons. 10e place en anglophone, c'est Ratatat avec Abrasive qui descend de une. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, on était déjà en 10e position. Alors, on reste là, on est stable pour Comme des roues avec Phone Free. Ah, ben, tu vois, c'est comme rester en attente sur la ligne. Presque. Votre appel est important pour nous. 89 FM. Ouais. Je pensais que c'était la remake, les palmarès, c'est fou, mais bon. Pas encore. Moi, j'ai peur de rien. Moi, j'aime le risque. Assis au bord, une dame du lot. Tu peux pas m'arrêter. C'est pas de ma faute. Parce qu'à soi, ça me dérange pas. À soi, ma crève. Au milieu du port, j'ai pas mon char. En fumant ma top, la fille au bord. je pourrais écouter cette chanson-là en boucle. Et ça donnerait l'impression que c'est la même chanson, parce qu'on dirait déjà que c'est une boucle, cette chanson-là. Rat-tat-tat avec Abrasive, qui descend d'une place en 10e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, comme je le disais avant qu'on aille l'écouter, eh bien, on reste à la 10e place pour Comme des héros avec Phone Free. Comme des héros, on dirait que c'est comme des héros. C'est comme si on était tous des héros. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas ça, c'est Comme des héros. Comme des héros. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Comme des héros? J'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée, moi non plus. Oh, mais ça, allons chercher. Ça sert à Internet, exactement. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Definition de comme des héros. Traduction en français, peut-être? Allons-y. Comme des héros? Ah, j'ai juste comme Edor. Comme Edor, c'est pas vrai faire que comme des héros. OK. Il y a juste comme Edor. Attends, c'est parce qu'il y a de l'autocorrection sur Google. Évidemment. Comme Edor, définition, lieu du marché où l'on sert à manger. Ah! En espagnol. Et voilà, comme des héros. Comme des héros, une salle à dîner, dining room. Comme aussi simple que ça, il n'y en a pas de problème. On a la réponse. On a la réponse à tout. Imagine, ça s'appelle cuisine, dans le fond. Good. Cuisine. C'est comme dans le temps où on avait toutes les émissions qui s'appelaient, bon, le vestibule, t'avais le boudoir, je pense que t'avais l'urinoir, t'avais l'entrée du palier du... le petit corridor. Tu sais, le petit corridor awkward entre la salle de bain et le reste, que tu sais, dans les petits appartements à Montréal. C'est oui, comme oui, ça, oui. Fait tu le long des appartements. Oui, ben, ça c'était le nom d'une émission qu'on avait les soirs de semaine. Ah! Ça s'appelait de même. Le petit couloir bizarre entre la salle de bain et les appartements petits à Montréal. Ça s'appelait de même. C'était awkward à dire, tu sais. Ouais. On est passé à autre chose. Pas pour rien, on a tiré la plaque là-dessus. Tirable. Pour ce numéro 9, du côté anglophone, c'est Destroyer avec Dream Lover qui descend de la 4e place. Et du côté francophone, Arthur Comeau pour pêcher. Ah, il a l'air d'un gars qui a besoin d'un cartoon de cigarette. Ouais. Je pense aussi. Ben, j'ai laissé dans le petit corridor awkward, tu sais, ouais, c'est ça. Let's go. tant qu'il y en a, on a trouvé. Surprise, all the signs are saying this way to town. Destroyer, la pièce Dream Lover, descend de la 4e place et maintenant en 9e position. Et ça fait 7 semaines que c'est là, donc ça commence à se faire vieux. Hein? Et on a entendu tout juste avant ça Arthur Comeau avec la pièce Pour pêcher, qui est quand même au palmarès depuis 6 semaines, toujours en 9e position. Voilà. Pour pêcher, tu déguiseras certainement pas en pêcheur pour l'Halloween, Tania? Non. Est-ce que t'as une petite idée de ton costume qui s'en vient? Certainement, c'est je me déguise en Cléopâtre. Arrête-moi donc ça. Je fais comme si tu ne me l'avais pas déjà dit à l'assemblage requis, ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas le même public. Et voilà. Donc, en Cléopâtre, t'es en train de te chercher du maquillage, tout ça? Oui, c'est ça. Regarde, j'ai comme ma liste en plus de tout ce que j'ai besoin pour... Toi, t'es tellement papier, hein? Oui, moi, je... tatou, OK? Tatou. Ou OK, ça veut dire que t'as déjà prévu ça, t'as pris le rendez-vous. Ah, c'est pas marqué OK, c'est marqué or. Or, tatou or. Ouais, ça a du sens. Tatou en or. Si t'es déguisé en Cléopâtre, il va falloir que tu te mettes les abeilles dans le VJJ. Hein? Ben, ça a l'air. C'est ça que tu m'expliquais à l'extérieur des ondes. J'aimerais que, s'il te plaît, tu m'expliques ben, ça. Ben, apparemment, c'est des rumeurs, mais apparemment que dans l'historique du vibrateur, oui? Cléopâtre se mettait des abeilles vivantes dans un pot dans le VJJ. OK. Tu comprends? Donc, oui. Si tu veux que ton costume soit réaliste, il faut que t'aies des abeilles dans le VJJ. On se comprend. Je suis pas certaine que je vais rendre mon costume jusque-là, par non, contre. Non, OK. T'es pas très réaliste, je trouve. Ouais, je suis désolée. Tant qu'à faire quelque chose, botche-le pas, man. Mais y a pas personne qui le saurait. Non, mais tu pourrais shaker le bottom de... Fais des buzz. Ouais, non, je suis pas certaine. très peu d'enregistreuse avec des bruits d'abeilles dessus. Ben oui, c'est ça. Si les gens te le demandent, tu pourrais expliquer. Et voilà, je devrais faire ça. Faire fonctionner mon téléphone en permanence. Ah, c'est bon, ça. Ah, mais là, mets-toi pas le téléphone dans votre jet. Non, premier. Prochain numéro 8. Je suis un petit peu houhou, hein? Mathieu, c'est Cave Boy. Non. Cave Boy avec Something Like Summer, c'est sûrement pour ça que j'ai chaud. Ça monte de la 17e à la 8e place et c'était nouveau la semaine passée. Et Rosie Vallant qui, malheureusement, descend de 3 positions du côté francophone parce qu'on est rendu à la 8e place avec sa pièce Olympe. Ses affaires... Mettons que ça va lentement. Ça va lentement. Voilà. T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager? Quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagné. T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer? Quand une voix ton nom sur l'échafaud, quand une voix oublie ton nom. Thank you. 8. Quel bon bloc! Elle m'arrirait! Elle m'arrirait! Ben, ça l'affaire! Ben, ça l'affaire! Cave Boy avec Something Like Summer en 8e position anglophone, ça monte la 17e, c'est nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Rosie Vallant avec Olympe qui, elle, a descendu malheureusement de 3 positions. Ah, c'est triste comme ça. Hey, tantôt, après le prochain bloc, on va voir la performance de La Bronze. Oui, déjà. Ça s'en vient. Mais avant ça, en anglophone, Beirut qui descend de 2 places avec Gibraltar en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'est Philippe Braque qui lui aussi descend d'une place avec Christelle. C'est Palmarès, c'est fou! 89.1 FM. dans mon angle mort. Mon inconscient, tu flottes tout le temps. Root. La pièce s'appelle Gibraltar. C'est descendu de 2 places en 7e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Philippe Brac avec Christelle. Une chanson qu'on aime depuis 7 semaines, apparemment, parce qu'elle est là depuis très longtemps. Tantôt, on aura nos 6e place, ponctuation et Alabama Shakes. Mais avant ça, Tania, est-ce que t'es prête? Je suis prête. À me suivre jusqu'à samedi dernier au Zénob? Et je pense que je suis prête. Ah oui, embarque dans mon vortex temporel. On y va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. J'aurais voulu être celle qui porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'a inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau te dit je t'aime trop. Tu veux toujours pour dessert. J'aurais voulu être celle qui te manque même quand je suis là. J'aurais voulu être celle que ta mère préfère. Explose-moi en rosé sur le pavé. Laisse-toi. Te shoot dans les veines, qui te fait rougir quand elle te dit des choses. Celle qui porte le nom que tu donnes à ton chat. Miaou, miaou, miaou. J'aurais voulu être celle qui peut prendre ta main sans permission. Celle avec qui, dans la pluie, tu es heureux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. J'aurais voulu être celle qui porte des chemises les matins gris. J'aurais voulu être celle qui te fait vivre l'été dans ton lit. Explose-moi, mon cœur est plus grand. Merci tellement d'être là, c'est tellement fin de prendre un moment de votre vie et de vous dire « Je vais au Zénob, je vais voir la bronze et ses acolytes pour partager genre une minute sacrée de ma vie, genre pour prendre une sacrée minute de votre vie et le mélanger avec un sacré de minute de notre vie et sacré du sacré. » Je viens de faire un jeu de mots sans m'en rendre compte. Sacré du sacré. On peut-tu m'applaudir, s'il vous plaît? Thank you. mais c'est malade. Sacré du sacré. Je sais pas, je me sens vraiment bright en ce moment. Merci. VRAC TV. Alors, VRAC TV, Le Chalet, une émission pour ados, mais qui est vraiment bonne, qui a une chanson thème, qui s'appelle L'anarchie des jours heureux, que, oh, que j'entends à l'instant, que je vais remonter mon micro. Il fait toujours chaud avec nous, au Zénob avec vous. Notre beauté se mêle à celle du soleil et de ce spot-là. On existe maintenant et c'est tout. Un tigre exalté sur nos corps. Vous tu mets genre un auto-tune genre sur leur voix ou quelque chose? T'as-tu modifié leur voix ou quelque chose? Je suis très touchée. Une petite dernière fois, mais tout le long pendant que je vais parler encore. Les yeux flous d'ivresse, on se bat avec le vent, on s'égratigne les fluides, on s'éparpille la chair. On se lance avec crainte les mots qu'on meurt d'envie de se faire chuchoter à la tempe. Tu es ma maison, je t'aime sans raison. On oublie que tous les moments nous vont bien, alors on se touche sans se voir en s'éteignant à grand feu. On tue pour être l'autre, on se donne pour le posséder. On dit, tu n'es qu'à moi, si tu bouges, je tire. On désinfecte nos tristesses à l'alcool et on brûle nos fantômes au briquet. Pour que nos faces ne s'effacent pas, on les peinture de fluo. On se vêtit de fleurs, on lèche nos larmes. On fait l'école buissonnière des sentiments et nos rêves qui s'épilochent et filaments renaissent en plus. On déplastifie nos désirs et on garde notre cœur dans un pot maçon bien scellé. On consomme la beauté et quand enfin elle nous touche, on en veut une autre. Parce que le cul du voisin doit être bien plus vert, c'est sûr, j'imagine! Nous sommes là, jeunesse féline. Ah ah! La la la ah! T'es pas mérité, t'es grâce qui s'élimine. Ah ah ah! La la la ah! Les volcans dans le torse en calcine. Oh oh ah ah! La la la ah! Votre monde à grand coup de fou. Merci tellement! Je vous aime! Ah! La bronze! Nous aussi, ah, on t'aime! En direct du Zénob, samedi passé, la bronze, Nadia Essadiki et ses collègues. Mm-hmm. C'était donc bon. On a entendu trois pièces. On est fini avec la jeunesse féline. Avant ça, c'était la chanson thème de l'émission Le Chalet à Vrac TV. Ouais. Et au début du bloc, son classique Explose-moi qu'on adore donc. Qu'on a joué très longtemps ici, durant tout l'été en fait. Mais hein. Dans le palmarès, c'est fou. Ben oui. Donc en direct du Zénob qui avait lieu la semaine passée, samedi soir, 24 mm-hmm. octobre. On a hâte de revoir la bronze, de lui reparler, tout ça et tout ça. Et comme on a vraiment aimé ces trois pièces-là et qu'on s'est dit, on aimerait donc ça jouer le spectacle au grand complet. Ouais. Mais comme on peut pas, parce qu'on l'a pas demandé. Mais hein? Ben voilà. On pourrait, ce serait le fun de le faire. Mais on va écouter sa pièce enregistrée en studio, la plus récente avec une production de Mister Valère. Mm-hmm. On l'a fait jouer quelques fois à Assemblage Requis, on l'a vraiment beaucoup aimé. Voici Mon cœur est fauve. Au 89.1 FM. C'est la bronze! Tu Est-ce que j'ai dit que j'étais en amour avec Kael Bronze? J'ai-tu dit ça, moi? Tu l'as dit à l'extérieur des ondes, maintenant c'est fait moi? Sur les ondes. Je suis sûr de l'avoir dit, pour être sûr. Ouais, ouais, ouais. La pièce s'appelle Mon cœur est fauve, producteur de Mister Valère, La Bronze. Qu'on remercie encore une fois pour nous avoir permis, de nous avoir permis d'enregistrer son spectacle et d'avoir diffusé trois pièces. Et l'entrevue qu'on a fait la semaine passée avec La Bronze est disponible sur la page SoundCloud en passant par sifu.ca puis en cliquant sur le petit bouton SoundCloud. C'est bon ça? Voilà. Génial. C'est dit. C'est dit. C'est toujours les palmarès Sifu. On revient toujours à nos chevaux dans la course folle vers le sommet. Il nous restait seulement les positions numéro 6 à entendre et on a le temps de jouer les deux. Oui, c'est donc ça qui est le fun. Ben, ça donne bien. Du côté anglophone, c'est Alabama Shakes avec Future People qui descend de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, en fait, on a monté de plusieurs positions, de 11 positions exactement, avec Ponctuation et leur pièce Narcisse. Au palmarès, c'est fou! 89.1 FM. Oui. Future People par Alabama Shakes, sixième position du côté anglophone, et ça descend de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, en fait, on a monté de 11 places et c'était ponctuation avec Narcisse. C'est là-dessus que se termine la deuxième heure, la portion top 10 des palmarès. C'est fou, on se retrouve dans quelques instants avec le top 5. On va savoir si nos numéros 1 sont toujours au sommet. C'est palmarès, c'est fou. Restez avec nous. Au 89.1 FM. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bon, retour sur la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et c'est la portion top 5. Où déjà. On parcourt, oui, les positions 5, 4, 3, 2, 1. Hein? C'est comme le 3, 5, 4, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Ozelob. Ben oui. Le 5, 4, 3, 2. C'est un vraiment bon nom pour un band. 5, 4, 3, 2. Ozelob. Hein? Évidemment, le nom ne contient pas le Ozenob. C'est un petit peu bizarre. Mais avoue que ce serait pas pire comme nom de band. Ça serait pas pire. Le nom d'une place. C'est bref. Très pas pire. Donc, on va savoir d'ici la fin de l'heure si le numéro 1 francophone, anglophone, pardon, est toujours Metric avec 4 Kicks. Et du côté francophone, eh bien, on va essayer de savoir si Joël Saint-Pierre conserve sa première position comme la semaine dernière. Ben, tu vois, de ce côté-là, au moins, le mystère reste parce qu'en anglophone, on s'en va entendre Metric tantôt avec 4 Kicks. Donc, ça ne tient pas, malheureusement. Et du côté francophone, en fait, c'était la deuxième position la semaine dernière. Cette semaine, ils sont en cinquième place. C'est les Connards à l'Orange avec l'autobus. Cinq. Lancé numéro 1, 4 Kicks par la formation Metric, maintenant en 5e position anglophone. Et on a descendu de 3 positions pour ce qui est des Connards à l'orange, parce qu'on est maintenant en 5e place avec la pièce L'autobus. Ah, les choses sont pas faciles! Mais non, hein? Mais non, les 5e places, Colin! C'est comme ça la vie! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben on va faire le contraire, peut-être. Du côté anglophone, ça monte de 4 en 4e place. C'est Me and the Devil par The Fratellis. Et du côté francophone, en fait, ça reste stable, parce que la semaine dernière, on était quand même en 4e place. Et c'est Bernard Adamus avec Donne-moi-en. C'est un peu plate, puis là, de rester à la même place. Oui. Descends, monte, choisis ton bord, mais reste pas au tir. Alors, je sais, mais il est constant. Il est constant. Bernard Adamus. Donne-moi-en. C'est pas mal, c'est fou. won't see you cause you just don't care. Change your name and bury your dead. Leave some space for her. She just can't lose. She got no way out. She's no one's muse. But she might need pray, bleed. Guess to jump on any old way. No one ever told her that the world was on her skin. She goes to sleep in every place that you know you never have been. Turn yourself around and she won't be there. And you just won't see it cause you just don't care. Change your name and bury your dead. Leave some space for her. Je ne serai même pas de serpent. those plans. Don't see, maybe it's good to feel alive and waste away your time. Close your eyes, my sweet baby, it's a crazy time. It won't change me, try to understand. I'm a complicated man, a diamond in your hand. I'm a complicated man. You try and split the band. Quatrième et troisième place en anglophone, on vient d'entendre The Sheepdogs et Downtown qui montent de la septième. Et du côté francophone, eh bien, en quatrième place, on a entendu Bernard Adamus avec Donne-moi-en. Mm-hmm, t'es dit pas dans l'ordre, par exemple. C'était Simon Kearney avant, en troisième. Avant ça, en quatrième place, on a eu en anglophone The Fratellis, Me and the Devil. C'est ça. C'est ça. Puis avant ça, là, c'était Bernard Adamus. Tu comprends-tu? Ouais. Ça fait comme 3-3, 4-4. C'est... Ah, ok, ouais. C'est moi qui mérite, c'est toi qui mérite, je pense. Ben. Il nous reste les positions 2 et on s'amuse, on s'amuse. On aime ça être sur la même note, tu sais. Hey, c'est pas une note écoutable. On était vraiment sur la même note en plus. Oui, elle était pas écoutable, mais c'était la même note au moins, tu sais. Je suis d'accord. Je pourrais pas dire laquelle c'était. Pas avec ton micro. Non, c'est ça. C'est d'avoir. Je me suis pris une planche de bois pour faire mes. On est fatigué aujourd'hui. Une planche de bois, puis je fais des coups dans le micro. Bref, oui, on est fatigué. Oui. C'est comme ça. C'est pas super important, mais sachez que vous pouvez nous écouter de 6h30 à 9h30 tous les matins. C'est pourquoi on est fatigué rendu à 5h30. Quelle idée de fou! Quelle idée de fou, tu dis? On a besoin de plus de caféine, je pense. 5 tasses, c'est pas assez. Une dizaine, je pense. Maman Ferron en arrivant chez nous, le reste de la soirée va voler, là. Ouais, voler. Ça, c'est. En tout cas, donc deuxième place. Oui. Hein? Du côté anglophone, c'est The Matadors avec Three Wolf Moon qui monte de 4 places. Eh bien là, je vous vole un punch. Joël Saint-Pierre ne sera pas en première position cette semaine parce qu'elle est descendue d'une place en deuxième position avec sa pièce Sampa. Hey, là, ça là. Ça là. Ça mérite un. Avec du. Je suis d'accord. Tu sais, dans le. Quand tu dis comme tu. Brasses. Tout ça, c'est ouais. Ça, tout ça ensemble. C'est les palmes massives. Au 89 FM. C'est notre nouveau slogan, je pense. C'est l'affaire que tu t'enlèves avec... J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi.

Wolf Moon avec The Matadors, position numéro 2 qui monte de 4 places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien c'était Joël Saint-Pierre avec sa chanson « Sans pas » qu'on a fait jouer ce matin à Assemblage Requis, mais ben qui malheureusement n'est plus à la première position du palmarès. Que voulez-vous? Mais Joël, j'ai toujours envie de dire Joël. Joël. Joël, mais il y a des trémas. Joël. Joël. Alors, on est rendu au numéro 1 et numéro 1 veut dire « Jeu de mon poche ». Oui, évidemment, c'est ton temps d'antenne. C'est ça, mon temps d'antenne. Le reste du temps, c'est le tien, hein? C'est ça que ça veut dire? Non, non, mais ça veut dire que c'est ton temps de briller. Oui. Parce que moi, je suis pas capable de faire des jeux de mots comme tu en non, fais. Non, je sais, ben c'est ça. C'est ça l'affaire, tu sais. Et voilà. Peu importe le pays d'où tu viens, peu importe tes traditions, peut-être en alcool, peut-être que tu vas sortir le Porto. Le Porto. Peut-être pour te saouler un petit peu pour faire des jeux de mots ou encore peut-être les trouver drôles, les miens, tu sais. Peut-être. Tu vas sortir le Porto. Le Porto. Tu sais, lors d'un gala, mettons, le Portugal. Ouais. Oh, le Portugal. Portugal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas. Aux Galaxy Saint-Jean qui vont la comprendre. C'est à Trois-Rivières qu'on veut comprendre mes jeux de mots. Galaxy Saint-Jean. Galaxy Saint-Jean. J'essaie de varier un peu mes jeux de mots. Oui, ouais, je vois ça. Mais c'est beau, je suis là pour les expliquer après. Merci. Oui, une chance que t'es là. Parce que sinon, les différents animaux qui nous écoutent, les requins d'Assemblage Requis, tu sais, mm-hmm. les auditeurs d'Assemblage Requis s'appellent les requins. Oui. Tu sais. Ou, je sais pas, les auditeurs des Pabarassifous s'appellent les palmiers. OK. Ça. On avait aussi les auditeurs de C'était Fou, donc l'émission que je faisais. Mm-hmm. Eux, c'était des cétacés. Des cétacés, OK. Donc, on a tout le zoo. Loué. Le Zouloué. Zouloué. C'était Zoudoué comme je le dis. Hein. Vous allez les comprendre tantôt, tiens. Ah oui, inquiétez-vous pas. Pas besoin de vous en faire avec ça. Pas besoin de prier à un dieu. Oh! Tu sais, dans le temps, tu priais pour que le paradis tombe. Ouais. Sur terre. Là, t'as plus besoin de faire ça parce qu'il est déjà par terre. Tu comprends? Mes chers. Tout ça, ce gag-là te fait rire jusqu'à l'infinité. Ben oui. Et plus loin encore. Il me fait dire, cher Mathieu. Mon cher Mathieu, c'est à ton tour de te laisser. Allez, bon, voilà, j'ai fait mes jeux de mots, à toi de les expliquer à nos auditeurs. Alors, commençons avec quoi? Le côté francophone? Ouais, mettons. Exact. Okay. Alors, en fait, si on prie pour le ciel de tomber, ou du moins le paradis, c'est parce que le top 1 cette semaine dans le francophone... Anglophone, t'es du mauvais bord. Anglophone? T'as dit francophone? T'as dit deux fois francophone, là. Oh! Anglophone. Numéro 1 francophone, The Dears. Like I used to pray for the heavens to fall. Eh bien, ça, c'est du côté anglophone. Et c'est I used to pray for the heavens to fall. The Dears. Mm. D'où les chers. Les chers. Ou mon cher. Et voilà. Et, hein? Et de l'album Times Infinity. Alors, c'était quoi ton jeu de mots sur ça? Fois l'infini. Oui. C'est simple que ça, je me suis pas cassé à l'infini, plus loin encore. Et plus loin encore, c'est ce que j'ai dit, t'as raison. Et voilà. Et du côté francophone, eh bien, cette semaine, d'où ton Porto, c'est parce que la pièce musicale qu'on va entendre, c'est Portugal. Hey, c'était tiré par les poils un peu, ça. Donner. Ouais, donner. Comme humoriste, Dieu donné. C'est le dieu des nés. Ben oui. Ouais. Portugal, du band Galaxy sur l'album Zulu. Zulu. Jeu de mots de Zou. Exactement. T'as vu Galaxy. D'où ton jeu de mots de Zou. Galaxy Saint-Jean, mais oui, ben voilà. Galaxy a tellement été sur le palmarès souvent et longtemps et numéro un beaucoup qu'à un moment donné, il faut varier. T'sais. C'est vrai, t'as raison. Bref, merci pour les explications. Eh hey, ben, ça fait plaisir. Puis on écoute ça. Immédiatement. Au palmarès, c'est fou! 89.fm. We'll be right back. exposition. It's not safe. It's not safe. position numéro 1 de chaque côté pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015. C'est pas mal assez fou. On vient d'entendre le numéro 1 anglophone qui monte d'une place, The Deers et I Used to Pray for the Heavens to Fall. Et tout juste avant, eh bien, on a entendu Galaxy avec Portugal. Eh oui, c'est déjà le numéro 1, mais il reste encore une dizaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. Donc, on a le temps de reculer un peu, aller entendre des pièces qu'on a sautées précédemment. Allons-y avec les numéros 13. Du côté anglophone, ce sera US Girls et une pièce de l'album Half Free qui s'appelle Window Shades et ça monte de la 18e place. C'est de nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on monte aussi de la 18e place à la 13e place pour la deuxième semaine au palmarès seulement. C'est Navet Confit avec leur chanson Mannequin de magasin. Une petite chanson? Une petite chanson! Oh, c'est beau, une petite chanson! C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait pas. Les 13e places qu'on avait sautées précédemment, US Girls avec Window Shades en anglophone. C'est l'heure de souper, alors Navet Confit nous a chanté Mannequin de magasin. Eh oui! Voilà pour les Pavarassis fous. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve en direct la semaine prochaine. C'est toujours les mardis, entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, il y aura réanimation, émission de métal et d'horreur. On repasse les vendredis, entre 17h et 20h. Après nous, Sky Punk et les Bonnets Rouges. Et finalement, les dimanches, entre midi et 15h. Restez à l'écoute en général. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour une note de l'émission. Les balados diffusion. Merci, Tania Baudin. Ben, merci, Mathieu Blanc. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. La semaine prochaine ou demain matin, si jamais ça vous intéresse. Exactement, dépendant. T'sais, on était à Assemblage Rocky, tu me l'as dit aujourd'hui, entre 6h30 et 9h30. Moi, je retrouve aussi au Mathieu Blanc Show les mercredis, entre 15h et 17h. On va se quitter avec une dernière pièce qu'on a sautée tantôt. C'est la 14e francophone. Eh bien, oui, c'est Rose Fargo qui revient dans le palmarès, mais avec une chanson totalement différente qui est Tombe. Tombe. Et tout ça, sur la plupart de nos stations. Bonne semaine. Bye. Bye.